faible à modéré de nord-est. Ensuite, la nuit prochaine, d'abord une accalmie. Ensuite, brume, brouillard et nuages bas pourront se former, minima de 3 à 8 degrés. Et puis, pour demain, 11 à 15 degrés au niveau des maxima. La grisaille matinale va tolérer de plus en plus d'éclaircies au fil des heures. Au final, nuages et éclaircies vont se partager le ciel et une averse sera possible du côté du littoral ou encore des hauteurs de l'Ardenne. Ailleurs, le temps restera plus sec. 9 à 14 degrés pour dimanche après une matinée assez froide. Le temps sera le plus souvent sec sous un ciel variable. Excellent après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. Manifestation de 3000 personnes à Wavre ce matin. C'est là qu'avaient décidé de se réunir les syndicats des services publics aujourd'hui. La ville du Premier ministre. Le directeur de la maison de repos Massimo Agosli en prison. Ses résidents étaient maltraités et même financièrement abusés. Le match à ne pas rater ce soir contre la Bosnie. Bilan des précédentes rencontres des Diables contre cette équipe. 3 défaites, 2 victoires et 1 match nul. Le journal de la mi-journée, présenté par Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Ils étaient 3000 dans la ville du Premier ministre, Wavre. 3000 fonctionnaires de la CGSP, de la CNE, de la SLF, du SLFP. Des travailleurs venus aussi parfois d'entreprises privées, venus fêter à leur manière le deuxième anniversaire du gouvernement Michel. Reportage dans la manifestation. Jean-Claude Hénuit. Nous voulons une société moderne, luttant contre les inégalités et discriminations. Avec ces mesures, nous sommes loin du compte. Toujours les mêmes messages syndicaux à l'attention du gouvernement fédéral, des messages pour dénoncer une politique jugée antisociale, avec des efforts réclamés surtout à la classe moyenne et aux services publics. Le choix de Wavre, fief de Charles Michel, s'imposait. François Fernandez, président SLFP. Si on a choisi Wavre, c'est parce que c'est son fief. Et donc on espère qu'en portant notre message ici, il pourra être mieux répercuté et donc qu'on aura une chance d'être entendu. Luc Amelink, président CSC Service Public. Nous savons bien que M. Michel, pour le moment, est en conclave. Mais bon, je crois qu'il est important de se manifester ici. Nous le faisons d'une façon pondérée, hein, on n'embête pas les gens, mais on donne quand même un signal très clair envers le gouvernement, juste avant la fin de ces travaux budgétaires. Et je crois que c'est le moment opportun de le donner comme signal. Michael Novelli, secrétaire régional CGSP à Mio. Il faut qu'on réfléchisse à autre chose, à une autre fiscalité, à des réflexions bien plus larges et qu'on aille chercher l'argent où il est là, où il est vraiment. La manifestation s'est terminée il y a environ une demi-heure, sans incident. Pas beaucoup de bus non plus aujourd'hui à Liège, à Charleroi, dans la région du centre, en Hainaut. Il y a aussi des retards dans les avions à l'aéroport de Zaventem à cause d'une grève des bagagistes. On a aussi noté une manifestation ce matin devant le siège d'ING. Il y avait plus de 1000 personnes pour dire non à la décision d'ING de supprimer 3000 emplois d'ici 2021. Et puis pas mal d'autres entreprises étaient aussi à l'arrêt, notamment Audi, Forêt à Caterpillar. La grève a conduit les manifestants devant les locaux de la fédération patronale. À Goria, il y a eu quelques dégâts, des bureaux renversés, des papiers jetés et un extincteur vidé. Arcelor, FN, Câblerie de Penne, Spa Monopole, Delacre étaient aussi à l'arrêt en région liégeoise avec des rassemblements organisés chez Préion et Techspace. Côté patronal, on regrette ce 13e jour de grève en 2 ans et ces incidents à Charleroi. La fédération à Goria estime que les syndicats sape le principal objectif du gouvernement, à savoir créer des jobs. Le gérant de la résidence service de Gosli, mise sous scellé hier, il est en prison. Il est notamment inculpé de faux, usage de faux et abus de confiance. La justice a constaté des manquements graves à tout niveau. L'établissement était par exemple sale, très sale. 2 personnes seulement géraient l'intendance, faisaient office d'infirmier, de personnel d'entretien. Bref, les 46 résidents du bâtiment sont relogés, Hugues de Caluet. L'enquête a été longue et difficile. Les résidences ne sont pas soumises au même contrôle, à la même législation contraignante que les homes. Et manifestement, ici, il était urgent d'intervenir. Des conditions d'hygiène déplorables, des personnes en détresse, livrées à elles-mêmes. Daniel Marlière, premier substitut du procureur du roi. Dans les 46 résidents, il y avait 5 qui devaient être hospitalisés immédiatement. Donc, il n'y avait rien à faire là-bas. 11 autres ont été placés dans des établissements psychiatriques parce qu'ils nécessitaient des soins psychiatriques. Et les autres, donc, ont été pris en charge, maintenant par le CPS, mais vont être redirigés vers d'autres résidences parce que, pour une bonne partie d'entre eux, ils ont des revenus. Des revenus qui intéressaient le gérant placé sous mandat d'arrêt. L'homme semblait choisir ses résidents parmi des personnes fragilisées, souvent sans famille, et qui, du coup, lui faisaient confiance. Il possédait dans son bureau les cartes bancaires et codes secrets de plusieurs d'entre eux. Les gens qui ont été pris en charge hier sont des gens qui sont dans une détresse sociale et donc qui ont des difficultés pour pouvoir se gérer financièrement, même physiquement. Il y a des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme importants et donc ils ne savent pas se prendre en charge eux-mêmes. L'enquête se poursuit et s'intéresse notamment aux mouvements de résidents, de personnel et de fonds entre cette résidence et d'autres résidences bruxelloises appartenant à la sœur du gérant incarcéré. Ce terrible accident de voiture ce matin à Lessine, en Hainaut, un choc frontal entre une petite voiture et une Mercedes, ça s'est passé devant l'usine Baxter vers 8h du matin. Il y avait 3 enfants dans le véhicule, le plus petit, 2 sont morts. La conductrice, sans doute la maman des enfants, est également décédée sur le coup. Un seul enfant a survécu, il a été transporté à l'hôpital dans un état critique. L'expert du parquet vient de descendre sur les lieux pour déterminer avec plus de précision les circonstances de cet accident. Retour aussi sur ce retentissant verdict hier à la cour d'assises du Hainaut. Vous le savez, Bernard Westphal a été acquitté. Beaucoup d'observateurs soulignent que cet acquittement n'aurait pas eu lieu sans une procédure en assises avec un jury populaire qui a consacré 3 semaines à la question. Alors beaucoup d'avocats regrettent que les cours d'assises soient menacées à l'avenir, mais Koen Gaens, le ministre de la Justice, réfute ces inquiétudes. Les cours d'assises, dit-il, ne sont pas menacées. Il reste tout à fait possible pour la Chambre des Mises de référer une affaire aux assises. Par ailleurs, je travaille pour l'instant à une chambre criminelle auprès du tribunal correctionnel qui serait le juge spécialisé des crimes et qui prendrait soin donc des lourdes affaires criminelles avec un jury mixte de juges professionnels et de citoyens. Et là, l'avantage serait qu'il y a appel. C'est important que tout le monde se sente bien avec la justice qui a été rendue dans l'affaire Westphal. Je ne me prononce pas sur le fond des choses, mais on ne va pas juger sur une affaire. La seule chose, ce que je dis, c'est que le débat ouvert avec les témoins et les experts, on va l'avoir dans cette chambre criminelle du tribunal correctionnel, avec un jury mixte et avec un appel. Donc on va vers mieux plutôt que vers pire. Koen Gaens avec Fabien Vanekoot. Le bilan de l'ouragan Matthew, toujours plus lourd, 261 morts selon les derniers chiffres en Haïti. L'ouragan Matthew qui arrive en Floride, en Géorgie, en Caroline du Sud et en Caroline du Nord. Les stations-service, les magasins sont pris d'assaut. Les files de voitures s'allongent sur les routes pour quitter la zone côtière. Témoignage de Véronique Jarry. Elle a quitté sa maison en bord de mer pour se réfugier chez des amis à une quinzaine de kilomètres à l'intérieur des terres et elle n'est pourtant pas rassurée. Toute la côte est évacuée, c'est-à-dire tous les gens qui habitent près de la mer ou d'une rivière, peu importe, de l'eau, parce que c'est pas uniquement le vent qui est dangereux, c'est la montée de l'eau. Là, les gens sont très inquiets parce que, je vous dis, on a l'habitude de tempêtes beaucoup plus petites. C'est un ouragan énorme qu'on va recevoir là, c'est Force 4. Ça fait 11 ans qu'on n'en a pas eu, depuis Wilma. Quand on a eu Wilma il y a 11 ans, on n'avait pas d'électricité ni d'eau pendant 3 semaines. Tout le monde s'inquiète beaucoup, là, et hier, déjà, tout était barricadé. Et les gens évacuent, ben, comme moi j'ai fait, ou comme mon fils a fait, puisqu'on habite près de la plage. On va chez des amis qui habitent plus à l'intérieur des terres. Et là, vous sentez en sécurité, là où vous êtes? Bon, pas vraiment, vraiment. Pas vraiment, vraiment. C'est quand même assez près de la côte, et c'est quand même un ouragan très, très fort. Véronique Jarry qui habite en Floride avec nos collègues de France Inter. Juan Manuel Santos, ce nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose. Eh bien, c'est celui du président colombien. Et Julie Buron, Juan Manuel Santos vient de recevoir le prix Nobel de la paix 2016. Oui, Juan Manuel Santos est récompensé, et là je cite le comité Nobel, pour ses efforts déterminés en faveur de la paix. Des efforts qui ont donc fini par payer au bout de 4 années de négociations. Juan Manuel Santos et Rodrigo Londono, le chef des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, ont signé fin septembre un accord de paix, de quoi mettre un terme à 52 ans d'un conflit armé qui a fait 260 000 morts, 45 000 disparus et près de 7 millions de déplacés. Sauf que Julie, il y a un hic, les Colombiens se sont exprimés sur cet accord de paix et ils n'en veulent pas. Non, ils l'ont rejeté dimanche par référendum, le résultat était serré, 50,21% des voix contre 49,78%. En fait, le peuple colombien a jugé l'accord trop favorable aux ex-guerrieros FARC. Et malgré ça, c'est donc la Colombie qui a été choisie par le comité Nobel. Oui, le comité veut encourager l'effort de paix malgré l'échec surprise du référendum. D'ailleurs, le comité ne le cache pas, le résultat du référendum représente un vrai danger que le processus de paix s'interrompe. Merci Julie. En foot, les Diables Rouges dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2018. La Belgique accueille la Bosnie. Les Bosniens sont des adversaires redoutables. Il faut pourtant viser le carton, c'est l'avis du défenseur Toby Alderweireld. Oui, en tant que Belgique, on doit viser le 6 sur 6. C'est notre but, mais on sait que ce ne sera pas simple et qu'il faudra être au top ce soir pour décrocher les 3 premiers points. Quel est le meilleur choix pour remplacer Kevin De Bruyne? Je pense qu'on a assez de joueurs pour évoluer à cette position et qui ont les qualités pour. Kevin a des qualités exceptionnelles, ça on le sait bien, mais on a d'autres joueurs qui, d'une façon différente, peuvent remplir le rôle. Donc ce n'est pas un problème pour l'équipe nationale. Non, notre banc est assez large pour compenser, on a d'autres joueurs pour tenter d'atteindre son niveau. Toby Alderweireld avec Manu Jous, rencontre à 20h45 à suivre bien sûr en télé sur la Une et en radio sur Vivacité. Pierre Collard-Bovy, on revient avec vous sur cet accident à Lessines. La route est rouverte à la circulation. Oui, effectivement. Donc, l'accident grave a trouvé son épilogue. Enfin, c'est terminé pour la Nationale 57, soignée Lessines, dans les deux directions. Donc, on peut rouler à nouveau. En revanche, toujours un accident impliquant un camion sur la Nationale 5, couvain Charleroi, aux environs de Jamagne. La bande droite est obstruée en direction de Charleroi. Il y a un nouvel accident sur la Nationale 5 encore, Charleroi, couvain autour de Nalin-Bultia. Là, c'est la bande droite qui est neutralisée en direction de Couvain. Toujours quelques ralentissements sur le 25 Maastricht-Liège entre Visé et Charatte en direction de Liège, vous ralentissez. Et puis sur le 17, Gand-Lille entre Albeck et Neuville-en-Ferrain, comptez 15 minutes supplémentaires en direction de la France. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et maintenant, c'est l'avis du bon côté avec vous, Sylvie Honoré, et des solutions pour gérer l'épilepsie. Tout à fait. Comprendre déjà cette maladie mal connue, voilà, peut-être parfois peu connue quand on n'a pas de cas dans son entourage. On ne sait pas très bien ce que c'est, à quoi on est exposé quand ça arrive à quelqu'un. Merci Manu pour ce journal. L'info revient à 14h. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue. En ce vendredi, nous allons donc parler de l'épilepsie, le caractère invisible et imprévisible de cette maladie qui ne facilite en rien la vie au quotidien mais vient se greffer à cette épreuve. L'incompréhension de l'entourage, parfois proche et au moins proche, on va en parler aussi ce vendredi, bien entendu. En effet, l'épilepsie est une maladie peu, voire mal connue. Nous allons vous présenter donc cette ligue francophone belge contre l'épilepsie. Vous en faites partie, Michel Haussmann, vous êtes vice-président de la Ligue, vous êtes neurologue et épileptologue au CHU-UCL de Namur. Spectaculaire, dites-vous, la crise d'épilepsie, c'est vrai qu'elle fait peur. Celui qui souffre de la maladie souffre aussi de l'étiquette qui est un véritable frein à beaucoup de choses. Venez prendre la parole à ce sujet. 070 23 33 23, SMS 30 63. D'ailleurs, quand vous parlez de vos patients, docteur Michel Haussmann, vous dites en tant que neurologue, vous n'utilisez pas le terme épileptique, vous ne dites pas épileptique, vous dites une personne souffrant d'épilepsie. C'est important la nuance. C'est important la nuance, parce que c'est un terme qui est chargé de stéréotypes. On peut dire un asthmatique ou un diabétique, ça passe bien dans le langage courant. Ouais. Dire un épileptique, ça donne tout de suite une réaction de rejet. Et des études ont montré, on fait des sondages, on utilise le terme personne avec épilepsie ou avec épileptique, et bien on voit qu'on a un phénomène de rejet qui est beaucoup plus important quand on utilise le mot épileptique dans le même sondage. D'accord, mais quand vous comparez avec un asthmatique, un diabétique, il est au quotidien. Un épileptique porte ce mal en lui au quotidien aussi. Absolument. Même si la crise n'est pas visible. Absolument. Ouais, ouais. C'est un handicap invisible. Tout à fait, c'est un handicap invisible. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Vous, Bénédicte Liégeois, c'est vous qui m'avez envoyé un email en disant « Sylvie, vous n'avez peut-être jamais fait une émission là-dessus. Il faudrait qu'on en parle. » Je vous ai dit oui directement. Vous faites partie d'un groupe de travail qui cherche à démystifier cette pathologie auprès du grand public. Bénédicte, c'est mal connu. Vous confirmez ? Ben oui, tout à fait. Moi, je fais partie de cette équipe parce que j'ai été confrontée moi-même à des personnes qui ne nous ont pas comprises, ouais. Proches ou moins proches. Et finalement, il y a deux cas de figure, j'ai l'impression. C'est soit quand on dit à quelqu'un, ben voilà, mon enfant, moi c'est mon cas, j'ai c'est un enfant, oui. Souffre d'épilepsie, soit on dédramatise en disant, oui, moi je connais quelqu'un, il prend un médicament, tu verras, ça va aller, ça passe. Soit, au contraire, toutes les portes se ferment, on ne comprend pas bien ce que nous, on peut vivre en tant que parents, en tant que personne souffrant d'épilepsie. Et donc, je cherche effectivement à mieux faire connaître cette maladie qui, selon moi, est mal connue. Mm-hmm. Ou en tout cas trop peu connue. Elle fait peur, évidemment, oui. Puisqu'elle est mal connue, puisqu'on a tous en tête une personne épileptique, quelqu'un qui serait dit, quelqu'un qui a les yeux révulsés, c'est comme une convulsion, donc on parlera des symptômes, de ce qui apparaît aussi, de ce qui l'attend peut-être aussi avant que cette crise n'arrive. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez prendre la parole en tant qu'adulte, vous l'avez compris, en tant que parent aussi, parce que je pense qu'il faudra aussi parler de cette catégorie de personnes là qui souffrent avec un enfant épileptique à la maison. Non, qui souffre d'épilepsie. Un enfant qui souffre d'épilepsie, je ne peux pas dire épileptique, puisque c'était ma première question, à la maison. Si vous souhaitez témoigner jusqu'à 15h avec Bénédicte Liégeois, avec Michel Haussmann, l'épilepsie, donc au cœur de notre thématique, c'est parti. La vie du bon côté. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile en font Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige du supplice. Puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige du supplice. Tu m'aimes au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Navi, avec j'écoute du Miles Davis, l'épilepsie, on en parle aujourd'hui. Maladie peu connue, mal connue, spectaculaire, les crises d'épilepsie font peur. On sait combien de personnes souffrent d'épilepsie en Belgique, docteur Haussmann ? On évalue qu'il y a à peu près 60 à 70 000 personnes qui souffrent d'épilepsie, plus toute la famille qui est impactée. Ah, bien sûr. Donc on multiplie par deux, par trois parfois, le nombre de personnes qui sont impactées par la problématique de l'épilepsie en Belgique. Bon, l'épilepsie, qu'est-ce que c'est exactement ? L'épilepsie, donc il faut différencier la crise épileptique et l'épilepsie. D'accord. Là, on peut faire une crise épileptique isolée et ne plus jamais en faire d'autres dans sa vie. Ah oui. Peut être favorisée par des facteurs extérieurs. D'accord. Par exemple, un sevrage en médicaments, dans le cas d'une crise d'hypoglycémie chez un gros diabétique, par exemple. Et puis, on peut avoir des crises qui vont avoir tendance à récidiver plusieurs fois dans la vie. Et donc, à ce moment-là, on va parler d'épilepsie. Alors, cette épilepsie, c'est quoi ? C'est en fait un fonctionnement anormal d'une population de cellules nerveuses, qu'on appelle les neurones, qui vont se mettre à décharger, avoir une activité électrique anormale, et qui vont finir par donner des symptômes. Et ce sont ces symptômes qui se manifestent de façon très variée, qui sont appelés la crise d'épilepsie. Mmh. C'est latent ? Je veux dire, quelqu'un qui en fait une fois, comme ça, elle a des prédispositions. Est-ce qu'on est prédisposé à être épileptique ? Parfois, mais pas toujours. Il y a certaines épilepsies pour lesquelles il y a des facteurs favorisants génétiques. Il y en a d'autres pour lesquelles c'est une lésion qui est acquise. Un traumatisme crânien, une tumeur, ou simplement les séquelles d'une méningite qu'on a pu avoir. D'accord. Mais il n'y a pas d'examen, je veux dire, qui montre ça. Il faudrait... On ne peut pas faire d'examen. Pas possible. Non, il n'y a pas d'examen à la base. Il n'y a pas d'examen à la base. On aura Adrien dans quelques instants. Adrien est très, très actif, je pense, au sein de la Ligue. Il est lui-même, il souffre d'épilepsie, Adrien. Donc il viendra nous parler un petit peu de ce qu'il vit. Il est un épileptique contrôlé. Donc voilà, j'aimerais, quand il nous dira ces mots, que vous interveniez évidemment, docteur Haussmann, pour nous en dire plus. 070 23 33 23, SMS 3063. Les inratables de Linebacker. Aouh ! On peut rater un clou, mais pas les actions promo chez Linebacker. Embellissez avantageusement votre maison avec 20% de réduction sur plein de rideaux et la confection gratuite. C'est chez Linebacker. Vivacité présente. Pardon monsieur, je cherche la gare. Comme ça, c'est tout simple. Vous voyez la rue du commerce équitable ? Oui. Bon, vous la suivez et après 100 mètres, vous prenez le boulevard du juste salaire. Ah, des justes salaires, oui. Et ensuite, vous tournez à gauche sur l'avenue du respect de l'agriculteur. Ah ben c'est pas si loin ça finalement, merci. Vous en prie. D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Maintenant, ce sont les jours fous chez MediaMarkt. Ils deviennent complètement dingues. Une course de fou à gagner, avec pas moins de 100 secondes de shopping gratuit, c'est totalement dément. En plus, chaque client a une chance de gagner. Participation et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Vivacité La Une et Ouf TV présente le Festival International Nature Namur. Du 14 au 23 octobre, la nature est un spectacle. Venez partager les meilleurs films et photos nature de la planète à la Cinépolis et dans la Citadelle. Programme festivalnaturenamur.be avec la Wallonie, la ville et la province de Namur. Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after-party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be. Avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec le docteur Michel Haussmann, neurologue, vice-président de la Ligue francophone belge contre l'épilepsie, épileptologue. Vous êtes aussi Bénédicte Liégeois. Vous faites partie d'un groupe de travail au sein de la Ligue qui cherche à démystifier cette pathologie auprès du grand public. Peut-on en guérir de l'épilepsie? On en parlera aussi, bien sûr, certaines crises d'épilepsie qui apparaissent dans l'enfance, qui sont liées à la maturation, qui peuvent disparaître peut-être. La personne peut alors passer le reste de sa vie sans traitement. Nous en parlerons aussi. Les médicaments contre contrôle-t-il l'épilepsie de beaucoup de patients? Ça aussi, c'est une de mes questions. Adrien, bonjour, bienvenue Adrien. Bonjour Sylvie. Vous êtes épileptique, contrôlé, c'est ça? C'est ce que vous avez dit? Tout à fait. Et ça veut tout dire, fait, épileptique, c'est... contrôlé, ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il y a maintenant 13 ans, j'ai fait des crises durant un an, puis on a cherché un traitement pendant quelques temps, on a essayé plusieurs médicaments avec différents dosages, et puis depuis maintenant, on a trouvé la solution, et ça fait maintenant 2 ans que j'ai plus du tout fait de crise, et avant ça, pendant une période plus ou moins de 9 ans également, j'ai pas fait de crise. D'accord. Ça a commencé à quel âge les crises chez vous, Adrien? À 20 ans. Sans raison. Sans raison apparente, y a pas... Non. Donc c'est... Sans raison apparente, j'étais avec des amis une soirée, puis le lendemain matin, je me suis réveillé. J'ai fait une crise d'épilepsie, on n'a jamais su pourquoi. Bon, d'abord traitement. Si on parle des traitements, donc je n'y connais absolument rien. Donc je pose toutes les questions que tout le monde se pose, à mon avis, ceux qui ne sont pas confrontés par cela. Qu'est-ce qu'on entend par traitement? Donc, les traitements, c'est d'abord les médicaments. On dit que dans 60 à 70% des cas, on contrôle l'épilepsie avec des médicaments. Il y a un certain pourcentage de ces patients qui vont, avec le temps, peut-être guérir l'épilepsie, on pourra peut-être même les arrêter. Maintenant, c'est parfois difficile de dire, c'est toujours facile de commencer le traitement. L'arrêter, c'est toujours plus compliqué. Oui. Même si tout a l'air d'aller bien, il y a toujours un peu la peur d'arrêter c'est aussi le traitement. Oui, donc ça, c'est, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas si en arrêtant, en effet, donc on prône de continuer alors. Ça se discute avec le patient. Patient, d'accord. Ça c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, et puis ça va dépendre aussi de l'âge, du début de l'épilepsie. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des épilepsies de la maturation. Il y a certaines épilepsies qui commencent dans l'enfance et dont on sait qu'elles vont presque toujours guérir au moment de l'adolescence. Donc là, on sait qu'on va pouvoir arrêter les traitements. Et quand il dit, c'est à 20 ans, voilà, j'étais avec des amis, le lendemain je me réveille, je fais une crise d'épilepsie, sans raison apparente, est-ce qu'on se doit médicalement d'essayer de trouver une raison ou... On essaye d'abord pour voir si la cause de la crise d'épilepsie n'est pas quelque chose qu'on peut traiter. Mm-hmm. En tant que tel, l'épilepsie peut n'être que le symptôme de quelque chose d'autre. Donc il faut essayer de le découvrir. D'accord. Ouais. Ça va être aussi un élément qui va nous permettre de dire éventuellement si on trouve une cause, si on peut s'attendre à une rémission à un moment donné de l'épilepsie. Mm-hmm. Quand vous aviez ces crises répétées, Adrien, ça a été difficile à faire comprendre dans votre entourage? Ça a été difficile pour vous, pour gérer le quotidien? Vous aviez peur que ça vous arrive n'importe où, n'importe quand? Vous aviez des appréhensions tout le temps? C'est assez difficile. En fait, les appréhensions, pour ma part, les épilepsies se déroulaient uniquement le matin au réveil. Donc c'était la phase de réveil qui était difficile. Donc une fois cette phase passée, J'avais plus de crainte, mais c'est vrai que ça a été difficile tant qu'on trouvait pas la solution, qu'on n'arrivait pas à les contrôler. C'était quelque chose d'assez surprenant qu'il a fallu apprendre, en fait. Oui. Donc ça aussi, il y a des phases, il y a des moments de la journée. Tout à l'heure, je vous ai lu un témoignage d'une personne qui faisait ça pendant son sommeil, a-t-elle dit. Donc effectivement, il peut y avoir des phases, des moments privilégiés, entre guillemets, pour faire les crises. Pas nécessairement chez tous les patients, mais l'excitabilité du cerveau, elle varie en fonction des cycles de veille et de sommeil. Et donc on sait qu'il y a certaines crises d'épilepsie qui vont survenir plus fréquemment durant la nuit, d'autres au moment des changements de phase, et notamment au réveil le matin. Donc ça peut se voir. Bon, c'est quoi une crise d'épilepsie? Ça, on le dira dans quelques instants, mais venez poser vos questions, venez témoigner. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez donc témoigner en tant qu'adulte, en tant que personne sous traitement, en tant que personne ayant subi une autre intervention chirurgicale ou en tant que parent, encore une fois, ayant un enfant souffrant de cela à la maison. Avec True Colors, on parle de l'épilepsie aujourd'hui. L'épilepsie se mêle méconnue en Belgique quand on n'y est pas confronté. Adrien a témoigné il y a quelques instants, Bénédicte Liégeois. Adrien œuvre avec vous, est très actif avec vous au sein de la Ligue, dans votre groupe de travail. Oui, alors Adrien, c'est mon collègue de travail, effectivement. Ouais. Et alors j'en profite pour le remercier d'abord d'avoir témoigné. Et puis, nous avons beaucoup de projets au sein de la Ligue contre l'épilepsie. Vous souhaitez faire un petit film, c'est ça? J'imagine qu'on en parlera. Ouais. Et donc, le prochain projet avec Adrien, entre autres, ce serait de réaliser un mini-film. Donc, quand je dis mini, il durera probablement une dizaine de minutes. Pour sensibiliser. Pour sensibiliser, toujours dans le même objectif que celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire démystifier l'épilepsie auprès du grand public. Film qui, en tout cas, quand il sera fait, sera projeté, sera... que l'on pourra voir sur le site de la Ligue et sans doute sur les réseaux sociaux aussi. Mais on espère aller plus loin dans la démarche, éventuellement un spot qui passerait à la télévision, quelque chose comme ça. Mais nous sommes à la recherche, évidemment, de personnes souffrant d'épilepsie qui seraient d'accord de témoigner à travers ce mini-film et donc qui accepteraient de devenir acteurs pour nous. Pour cela, ben je. Vous savez quoi, je donnerai un numéro. Il y a une adresse mail. Oui, ben je la mettrai sur la page Facebook, mais on la donnera aussi peut-être parce qu'il y a des personnes qui vont pas retenir et qui vont nous téléphoner pour demander l'adresse. Donc on va la mettre en priorité sur la page Facebook et on aura quand même l'occasion, prenez de quoi noter, là, je remettrai aux auditeurs de la donner sur antenne. Bénédicte Liégeois, je rappelle que vous êtes maman d'un petit garçon de 5 ans qui souffre d'épilepsie réfractaire depuis maintenant presque 2 ans, donc on aura l'occasion d'en parler avec vous. On aura aussi Joaquino, l'un de vos patients, docteur Haussmann, en ligne dans quelques instants. Il a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. 070 23 33 23, SMS 3063. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Bonne nouvelle pour les futurs parents et jeunes mamans. Le Salon Baby Days se tiendra à Tour Taxi le 8-9 octobre. Découvrez toutes les nouveautés. Vous recevrez en plus des cadeaux, des échantillons et une photo gratuite de votre bébé. Baby Days à Tour Taxi le 8-9 octobre de 10h à 18h. Info babydays.be. Quadrus October Days, action carrelage. Oui, 2 mètres carrés plus 1 mètre carré gratuit. Quadrus à Waterloo, Havre et Zaventem, quadrus.be. Voir conditions. La route pour la qualification mondiale 2018 continue. Les Diables Rouges face à la Bosnie-Herzégovine. Ce vendredi en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? Le bruit des feuilles qui tombent? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Xina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Xina.be, c'est bien pensé. Moi, sur mon pot de Nutella, j'écrirais Bon appétit. Je t'aime. Oh, ou juste Love. T'es chou. Mais comment, c'est vrai? Bravo, ma puce. Pour ma petite fille. Bisous. Mouah. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Le grand carnage social s'amorce dans le secteur bancaire. Une vengeance des banques, après leur sauvetage par les États et les règles qui leur ont imposées, l'enquête dans le Vifle Express. Le Vifle Express, pour ne rien vous cacher. Avec le Vifle Extra, Voices of America. La vie du bon côté sur Vivacité. L'épilepsie avec le docteur Michel Haussmann. Il est épileptologue, neurologue au CHU UCL de Namur. Et vous, Bénédicte Liégeois, vous êtes active au sein de la Ligue. Vous êtes aussi vice-président de la Ligue, docteur Haussmann. L'épilepsie, c'est vrai que c'est méconnu. La crise d'épilepsie, et moi je viens de vous le dire hors antenne, moi j'ai en tête, parce que je n'ai jamais assisté à ça, j'ai pas eu non plus une personne proche qui en a fait une. Donc pour moi, ce sont des convulsions. Donc directement, on me dit, il faut le dire, Sylvie, parce que c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pas les yeux qui se... C'est pas la personne qui serait dit, la personne qui... Ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça peut l'être. C'est souvent, c'est quand même souvent, ce genre... Ou non, même pas. C'est une proportion importante, mais il y a beaucoup d'autres types de crises. Il y a des crises pour lesquelles la personne arrête son activité. Elle est perdue chez les enfants, c'est ce qu'on appelle parfois des absences. Les yeux sont hagards, quoi, c'est ça. Ou perdus, tout simplement. Perdus. Et puis ça dure quelques secondes et ça disparaît. Ou les personnes peuvent avoir un comportement qui est un peu anormal, des automatismes. Il peut aussi ne pas y avoir de perte de conscience. Ça peut être une sensation brutale, par exemple, sensitive dans le bras ou visuelle, ou des convulsions limitées à un bras, par exemple. Oui, et ça ne va pas plus loin. La crise, elle peut être focale. Donc on peut penser à un accident cérébral. Dans certains cas, dans certaines présentations, parfois, se pose la question. Mais quand on est aux prises avec ça, on panique, ça c'est clair. De toute façon. Surtout les premières crises, surtout si elles sont spectaculaires. Oui. La crise généralisée, ce qu'on appelle la crise convulsive, généralisée tonico-clonique, les secousses dont vous parliez tout à l'heure, sont évidemment les plus spectaculaires. Et celles qui, quand elles perdurent, nécessitent évidemment parfois d'intervenir. Si elle dure plus de quelques minutes. Les proches savent ce qu'elles doivent faire. Les proches savent ce qu'ils doivent faire. Oui. Joaquino, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Joaquino, vous connaissez bien avec Michel Haussmann. Hein? Oui, absolument. Vous avez été traité, suivi ? Je suis traité et suivi. Toujours donc, maintenant, alors l'âge... Oui, oui, absolument, depuis l'âge de 18 ans. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai fait la connaissance de Dr Haussmann, qui est quelqu'un qui est proche de ses patients et qui reste humain. Donc il faut tout de même cette qualité-là quand on a ce type de maladie. Donc c'est très très positif. Et aujourd'hui, Joaquino, aujourd'hui, vous ne faites plus de crise ? Ou est-ce qu'il y a eu crise ? Quelle sorte de crise avez-vous eu, vous ? Alors, Dr Haussmann me corrigera, mais c'est des crises de type juvénile. Des crises myoclonique juvénile, c'est-à-dire que Joaquino fait des secousses. Il peut y avoir parfois aussi des crises généralisées. Donc, c'est une épilepsie qui débute généralement dans l'adolescence ou au début de l'âge adulte, la plupart du temps, en tout cas quand on fait le diagnostic. C'est une épilepsie qui, la plupart du temps, répond bien au traitement, mais qui est dépendante du traitement. C'est-à-dire qu'à l'arrêt du traitement, il y a souvent, tôt ou tard, une tendance à la récidive des crises. Donc ça, c'est un traitement à vie, alors ? Il le sait ? Oui. Oui, absolument. Oui, je sais très très bien, on a énormément discuté. C'est pour ça que je mets en avant son côté humain, avec des explications qui sont apportées et surtout parfois des réconforts parce que c'est pas évident. Donc j'en fais de temps en temps. J'ai des facteurs qui sont prépondérants. Donc, ça veut dire que il y a toutes des, on va dire, des choses qu'il faut éviter. Donc ça veut dire par exemple la fatigue. Ça veut dire le stress, ça veut dire également, des grosses fatigues, le stress, qu'est-ce qu'il peut encore avoir. Je pense que c'est vraiment... Tout ce qui est alcool moment... et tout ça, je ne sais pas, je pose la question, mais... Moi j'ai une hygiène de vie assez assez particulière, entre guillemets, donc alcool c'est banni, les drogues c'est banni, vraiment pas d'écart, une alimentation assez saine, on essaye. Et alors du sport, parce que moi je me suis retranché derrière un sport, et voilà. Et donc j'essaye de me retrancher derrière cette activité pour faire face un tout petit peu à la maladie. Mais d'accord, je le vis très bien, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci, et je pense que le docteur pourra confirmer ma joie de vivre et... que je suis un patient qui le vit bien. Enthousiaste. Bon, est-ce qu'on peut dire du bon côté ? En tout cas, Joaquino, en effet, en parle bien. 34 ans, il nous a dit hors antenne. Donc, j'ai posé cette question, en effet, parce qu'il en a parlé. Donc, il faut quand même faire attention à certaines choses. Tout le monde ? Tous ceux qui sont sujets à ou bien non ? Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Oui. Il y a des patients qui sont très sensibles à des facteurs extérieurs. Donc, fatigue, stress ? La fatigue, le manque de sommeil, la privation de sommeil. Chez certaines personnes, ça peut jouer. Un état dépressif ou anxieux, ça peut faire décompenser une épilepsie qui, au préalable, était bien contrôlée. D'accord. Merci Joaquino. 070 23 33 23, SMS 30 63. J'aimerais qu'on parle des enfants dans quelques instants. Donc si vous souhaitez venir témoigner, appuyez peut-être le témoignage que Bénédicte va nous faire dans quelques instants à propos de son fils de 5 ans. Venez. 30 63, 50 centimes par message. Via la page Facebook, je vais mettre l'adresse email à laquelle vous pourrez contacter Bénédicte pour apparaître peut-être dans ce petit film qui souhaite sensibiliser le grand public à l'épilepsie. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Di. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Di, faites-vous plaisir. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Allô ? Thomas, c'est maman. Tout va bien à la maison ? C'est ma mère. Oui, j'étudie à fond, là. Ah bon, c'est curieux. Je viens de voir que t'as été tagué par un de tes potes en train d'étudier à fond dans notre jacuzzi. Tu comprendras que j'ai pas liké, hein. Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Les magasins sont fermés. Pas grave, va sur crefel.be, c'est ouvert 24h sur 24 et livré en express. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Profitez maintenant de l'Internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Chérie ? Oui ? Regarde, j'ai encore acheté 12 chaises supplémentaires. Quoi ?

Épilepsie réfractaire, c'est une épilepsie qui est résistante aux médicaments. Le docteur Haussmann me complétera si... Mais voilà, en résumé, c'est ça. Il ne faut pas chercher plus compliqué. Oui. Donc voilà, malgré pour l'instant trois antileptiques qu'il a comme traitement, il en prend trois aujourd'hui. Il en prenait quatre avant, on m'avait dit. À un moment donné, il en a pris quatre pendant quelques mois, effectivement, puisqu'on n'arrivait pas à contrôler les crises. Mm-hmm. Mais toujours avec ces trois antileptiques, il continue à faire des crises. Voilà. Une crise, comment? Chez lui, ça, pour l'instant, elles ne sont plus que nocturnes, mais il faut quand même bien avouer qu'on a quand même vécu des mois avec une vingtaine de crises par jour, une vingtaine de crises par nuit aussi. Donc, encore à l'heure actuelle d'ailleurs, on s'échange notre fils, mon mari et moi, pendant la nuit pour le surveiller. Et c'est vrai que pendant des mois, moins maintenant, mais on passait une nuit blanche sur deux. Donc, 20 crises par nuit, 20 crises par jour, ça veut Alors, dire... ce sont des crises, évidemment, qui ne durent pas, qui ne durent pas 20 minutes. Hein. Ce sont des crises qui durent environ 30 secondes. Mais je vous défie de compter jusque 30 quand vous voyez votre enfant qui se redresse en une fraction de seconde de la position horizontale à la position verticale. Et qui a des secousses, qui a les paupières qui se crispent, le visage qui se crispe, plus de contrôle de la salive et des mouvements de bras et de jambes. Voilà, après 30 secondes, ça se calme et il se recouche quand c'est la nuit. Mais vous ne pouviez pas le laisser tout seul alors dans sa chambre, il dort avec vous. On ne pouvait pas le laisser tout seul. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, on nous a dit, mais enfin, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, tu dois mettre Jean dans une chambre, tu n'as qu'à mettre le matelas par terre et des coussins sur les murs. Mais je dis, mais quelle maman ferait ça? Moi, je ne dormirai pas tranquille. Non. Donc, voilà, aujourd'hui, toujours, on s'échange, entre guillemets, Jean, la nuit, pour qu'au moins un des deux, mon mari ou moi, nous dormions correctement une nuit sur deux. Ça veut dire qu'il ne va pas à l'école, alors ? Alors, si, parce qu'aujourd'hui, il va mieux. Donc, on va dire qu'il y a en moyenne une dizaine de crises par semaine. Donc, c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Mais il a repris l'école la semaine dernière. On parle d'épilepsie réfractaire, effectivement. Mais dans le cas de mon petit garçon, la chirurgie sera peut-être une solution pour lui. Donc, fin août, début septembre, il est allé à Saint-Luc pour un examen appelé un électroencéphalogramme invasif. Donc, il a été opéré. Et dont j'aurai les résultats d'ailleurs le 18 octobre. Mmh. Et ça a l'air d'être positif. Donc, nous, on se dirigerait vers une opération curative dans l'espoir de sortir de cela aussi. Mais voilà, l'avenir nous le dira. Mais nous sommes positifs. Stéphanie, bonjour. Bienvenue Stéphanie. Bonjour madame. Votre fils? Voilà, je m'appelle Vanessa Game Stéphanie. Oui, il a 6 ans aujourd'hui. J'ai mon fils qui s'appelle Lorbert Nathan. Il a 6 ans, il vient d'avoir 6 ans. Depuis l'âge de 8 mois, il fait des convulsions sur température. On a fait plusieurs examens, tout ça, pour voir s'il n'y avait pas des crises épileptiques derrière. Le docteur Mission qui suit Nathan à la Citadelle, ne trouve rien au niveau de l'épilepsie. Nathan prenait du phénobarbital jusqu'à l'âge de 2 ans, puis on a changé, on a mis de la dépakine. Ici, on vient d'augmenter de nouveau son traitement de dépakine. Avant, il prenait 3 fois 12 gouttes par jour. Maintenant, il en prend 3 fois 15 gouttes. Et alors, j'aurais bien voulu savoir un peu plus d'informations, voir un peu... ce qu'on peut faire avec mon fils, j'espère que ça... On nous disait tout le temps que ça allait s'arrêter à l'âge de 5 ans, que ça diminuait les convulsions sur température. Mais et voilà, ça ne se fait pas. Bon, évidemment, c'est difficile. Il en a toujours fait une... il en a refait une au mois de mai. Et voilà, on augmente à chaque fois le traitement, mais on ne voit pas d'amélioration. Nathan est né prématuré à 3-4 semaines. Stéphanie, c'est difficile évidemment pour vous, Michel Haussmann, d'intervenir. Hein, c'est par rapport à un cas comme ça, c'est difficile d'intervenir. On entend bien qu'elle est suivie de toute façon, mais vous ne pouvez pas donner un avis médical, c'est pas possible. Non, tout à fait. C'est vrai. Simplement entendre le vécu de ses parents, aux orthopédiques que Stéphanie. Difficile, très difficile. La convulsion hyperthermique, donc c'est une crise d'épilepsie en tant que telle. Mais la plupart, la grande majorité d'entre elles disparaissent spontanément vers l'âge de 5 ans. Et dans certains cas, il y a des choses qui persistent et donc qui nécessitent un suivi auprès du neuropédiatre, comme c'est le cas actuellement. La dépakine, de toute façon, je vois ce mot-là revenir. Je connais aussi ce médicament, hein, puisque voilà. Mais je sais aussi qu'il est utilisé pour les petits-enfants et très, très, très,

toi, je vais te slam dunker ton derrière. Et voilà. SFR met plein d'émotions dans la boxe. Profitez-en pour 39€ par mois pendant un an avec l'option Eleven Sport offerte pendant un mois. Plus d'infos au 02 226 55 55. Offre soumise à condition. SFR et tout s'accélère. Le non-gardiste place ses économies à perte. Non, ça ira mieux l'année prochaine. Résolument non-vicieux, il ne finance que la non-novation. Non, trop risqué. Pour lui, l'avenir c'est... Non. Aujourd'hui, pour contourner les non-gardistes, il y a mymicroinvest.com, la plateforme qui vous permet d'investir dans des startups belges visionnaires. Et ceci à partir de 100€. Mymicroinvest.com. Dites oui aux entreprises de demain. Salut, c'est Divo Corrigui sur Vivacité, la radio diablement complice. Chou, hein? Quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi il rigole? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495€, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Comment bien manger quand... On a très envie de gibier. Ouh là là, le gibier, c'est très difficile à attraper, ça. Oui, mais c'est très facile à cuisiner. Le gibier chez Deleuze est 100% sauvage et européen. Une viande d'une traçabilité irréprochable et toujours 100% fraîche puisque jamais congelée. Bref, de vraies saveurs d'automne en provenance directe du bois. Et les prix d'automne? Ils tombent comme les feuilles? Absolument. Jusqu'au 12 octobre, chez Deleuze, le steak de biche est à moins 15%. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Merci d'écouter Vivacité. Bon après-midi à tous, il est 14h. Le flash de 14h avec Julie Buron. Bonjour. 3000 fonctionnaires en front commun à Wavre, la ville du Premier ministre. Des travailleurs du privé avaient aussi fait le déplacement pour fêter à leur manière le 2e anniversaire du gouvernement Michel. Après les discours de leurs responsables syndicaux, une partie des manifestants s'est rendue devant l'hôtel de ville de Wavre, ce qui n'était pas prévu. Pas de violence. Les manifestants se sont contentés de faire un maximum de bruit avec des pétards, des sifflets et des sirènes. Autre manifestation ce matin devant le siège d'ING. Les syndicats l'ont dit et redit. Ils n'acceptent pas la décision d'ING de supprimer 3000 emplois d'ici 2021. La direction d'ING Belgique s'est pour sa part retrouvée en commission de la Chambre sous le feu des questions, mais surtout des critiques des députés. Actualité décidément sociale ce vendredi. Plusieurs entreprises sont à l'arrêt. Pas beaucoup de bus à Liège, Charleroi, ainsi que dans la région du centre. Pas mal de retard dans les avions à l'aéroport à cause d'une grève des bagagistes et une production complètement à l'arrêt dans la plupart des grandes entreprises du pays. À Caterpillar, la grève a conduit les manifestants devant les locaux Carolo de la Fédération patronale Agoria. Il y a eu quelques dégâts à cet endroit, des bureaux renversés, des papiers jetés ainsi qu'un extincteur vidé dans les bureaux. Actualité internationale, Juan Manuel Santos, prix Nobel 2016 de la paix, le président de Colombie récompensé pour ses efforts déterminés en faveur de la paix au bout de 4 années de négociations. Juan Manuel Santos et Rodrigo Londono, le chef des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, ont signé fin septembre un accord de paix, de quoi mettre un terme à 52 ans de conflit armé. Sauf que les Colombiens, ils ont rejeté par référendum cet accord de paix le week-end dernier. Ils jugent la accord trop favorable aux ex-guérilleros FARC. Malgré cela, c'est donc bien la Colombie qui a été choisie par le comité Nobel qui, à tout prix, veut éviter que le processus de paix n'échoue. Tout de suite, on prend des nouvelles du trafic. Avec quelques ralentissements sur le ring de Bruxelles. En extérieur, tout d'abord, entre Woluwe et Saint-Etienne et Zaventem, et entre Strombeek et Oemel vers Grand-Bigard. En intérieur, entre Wezembeek et Tervuren vers Waterloo, ce sont des petits ralentissements pour le moment. Un accident sur la N5 Charleroi-Couvin, autour de Nalin-Bultia. La bande droite est neutralisée en direction de Couvin. Quelques objets encombrants, ce sont des plaques d'isolation qui sont répandues sur la chaussée, sur le 25 nœud Château-Liège, à hauteur de Beaufailly en direction de Liège. Et puis quelques ralentissements dans les travaux sur le 25 Maastricht-Liège. Ralentissant entre la frontière hollandaise et Cherat en direction de Liège. Et puis toujours une petite dizaine de minutes perdues sur le 17 Gand-Lille entre Requiem et Neuville-en-Ferrin. Donc jusqu'à la frontière française, vous perdez 10 minutes. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jet Air devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et vous avez bien entendu reconnu Pierre Collard-Bovy pour ce point RTBF Mobile Info. Tout de suite, on retrouve Sylvie Honoré, c'est la vie du bon côté. Merci Julie, l'info revient à 15h. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. On parle de l'épilepsie depuis 13h avec Michel Haussmann. Vous êtes neurologue, vous êtes épileptologue au CHU CL de Namur, vous êtes vice-président de la Ligue francophone belge contre l'épilepsie et vous, Bénédicte. Vous êtes active au sein de la Ligue aussi, vous préparez donc ce petit film avec des personnes qui vous aident. Petit film destiné à sensibiliser le grand public auprès de cette maladie mal connue. Et là, j'aimerais en effet donner la parole à Caroline. Vous êtes nombreux à témoigner, vous êtes nombreux à vouloir poser des questions et j'en ai un tas aussi. Hein. Moi, j'ai encore toute une liste de questions que je poserai. Ça touche tous les âges. Ça, c'était une de mes questions aussi. Apparemment, oui. D'après tous les témoignages que nous recevons, Michel, ça touche tous les âges. Hein. Tous les âges. Tous les âges. À partir de 8 mois, j'ai entendu donc la maman... À partir de la naissance. La naissance. Parfois, jusqu'à la fin de la vie. Oui. Et il y a deux... On peut quand même distinguer deux grands pics. Deux grands pics. Il y a un premier pic, c'est dans l'enfance, oui. Dès la naissance et dans les premières années de vie. Et puis il y a un deuxième pic à partir de l'âge de 60 ans à peu près. Ça, c'est une conséquence des maladies cérébrovasculaires, des AVC. D'accord. Qui peuvent laisser des séquelles, qui peuvent donner elles-mêmes des crises d'épilepsie. Ouais. Il y a des personnes qui le vivent bien, entre guillemets, bien entendu, hein, qui le vivent, voilà, qui vivent avec. Et puis il y a des personnes qui sont en rébellion, personnes qui acceptent pas. Et c'est un peu votre cas, Caroline, et c'est pour ça que je trouve intéressant de vous entendre. Bonjour, Caroline. Bonjour, Sylvie. Ça vous concerne pas personnellement? Enfin, ça concerne votre fille. Si, ma fille est atteinte d'une sclérose tubéreuse de Bourneville. Donc, elle est née avec cette maladie, très connue. Et donc, elle a fait sa première crise à l'âge de 15 mois. Bon, quand on vous annonce le diagnostic, on ne sait pas trop en tant que parent ce que c'est vraiment qu'une crise d'épilepsie. Donc, on ne vous dit pas ce qui peut arriver et ce qu'on doit faire. Et donc, le jour où ça arrive, on se sent complètement démunis parce qu'effectivement, on voit notre enfant dans son monde. On ne sait pas s'il souffre, s'il est là, s'il n'est pas là. Alors, en tant que maman, on est censé soigner tous les bobos du monde. Et quand on voit son enfant comme ça, qu'on ne sait pas quoi faire, on se taperait la tête au mur. Alors, effectivement, l'épilepsie, c'est très grave. C'est peu connu parce qu'on ne sait pas, vraiment ce que c'est. Au départ, on en a peur parce que, évidemment, voir son enfant comme ça, qui a des yeux révulsés, qui est dans un état second, qui bave, effectivement, ça fait peur, parce qu'on ne sait pas s'il souffre, s'il ne souffre pas, et puis on ne sait pas non plus comment il va en ressortir. J'ai déjà posé la question au docteur. Oui. Ou pas. Oui, attendez, est-ce que l'enfant souffre? C'est une question importante qu'elle dit, Caroline. Est-ce que, Michel Haussmann, l'enfant souffre? Qu'est-ce que l'enfant ressent? Quand il y a l'inconscience, il y a un moment donné, si la crise est suffisamment importante, il n'y a plus de conscience à ce moment-là, donc il n'y a pas de souffrance. Mais par contre, au réveil, il peut y avoir toute une série de symptômes, un épuisement important, des difficultés pour respirer. C'était un gros stress pour l'organisme si la crise était importante. Et donc, il y a une certaine souffrance après la crise. Mais la crise en elle-même, quand c'est la crise généralisée, là, il n'y a pas de souffrance. Il y a une déconnexion de la conscience à ce moment-là, mais c'est après. D'accord. Et là, je me retourne vers vous, Bénédicte Liégeois, quand Caroline dit qu'on ne sait pas comment réagir. Comment réagir face à une crise? Comment la gérer? Là, je pense que, Bénédicte, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Oui, et je voulais juste revenir quand on parlait de souffrance. Ce n'est pas de la souffrance, mais avant une crise, parfois, le patient ressent des choses. Moi, mon petit garçon, il ressent. Pas toujours, donc il prévient. « Maman, j'ai besoin de faire une crise. » Donc, soit il a mal dans les mains, il a des sensations dans les mains, soit il a mal dans la bouche. Voilà. Il exprime, mais pas toujours, parce que parfois la crise arrive trop vite. Et donc là, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, maman, la crise est venue trop vite. Mais effectivement, il y a des choses à faire quand on est confronté à une crise d'épilepsie. Maintenant, de nouveau, tout dépend de la crise. Le docteur Haussmann le disait très bien. Toutes les crises sont différentes. Il y a des absences qui durent quelques secondes. Il y en a des beaucoup plus importantes. Maintenant, si on parle d'une absence de quelques secondes, ben, quelque part, il n'y a rien à faire, si ce n'est après la crise, être présent et réconforter la personne. Maintenant, les crises qui sont un petit peu plus démonstratrices, qui sont que l'on voit, hein, que les gens peuvent percevoir. Je pense que les premières choses à faire, c'est en fonction de où se trouve la personne, c'est dégager l'espace en cas de chute, parce que parfois, il peut y avoir une chute. Peut-être mettre la personne en position latérale de sécurité et rester avec lui. Et surtout, ne rien mettre dans sa bouche, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Oui, parce qu'on en a parlé hors antenne, Michel Haussmann, les gens ont peut-être ça en disant il ne faut pas qu'on avale la langue. Ça, c'est un réflexe, c'est quelque chose qu'on entend depuis toujours. Ça fait partie des nombreux stéréotypes et nombreuses fausses croyances par rapport à l'épilepsie. Donc, le fait d'avaler sa langue, je vous défie d'essayer... Pourquoi on dit ça, alors? Je pense que c'est le caractère spectaculaire qui donne cette impression-là. On peut se blesser la langue, on peut se la mordre sévèrement. Mais il ne faut rien mettre dans la bouche. Il ne faut rien mettre, on risque au contraire d'avaler éventuellement l'objet qu'on peut mettre pour escasser et blesser. Extrêmement grave. L'eau froide, j'ai déjà entendu aussi des convulsions, un bébé, eau froide. Non, ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est des choses qu'on véhicule. Non. Ce qu'on fait parfois, c'est chez les enfants qui ont tendance à faire des convulsions hyperthermiques, dont on parlait tout à l'heure, donc ils font trop de température ou autre. Mais parfois, pour éviter les convulsions chez ces enfants-là, parfois un bain froid. Mais dans la crise, à proprement parler, ça ne sert à rien. D'accord. Bénédicte, encore une chose. Quand quelqu'un fait une crise, je pense qu'une chose importante à faire, c'est de noter la durée de la crise. Parce que plus la crise dure, alors peut-être qu'à un moment donné, il va falloir réagir. Donc, en général, il ne faut absolument pas appeler le SMUR, l'ambulance. Ça ne sert à rien. Sauf si c'est la première crise. Quand c'est la première, oui. Voilà. Oui. Mais quelqu'un qui a l'habitude, qui souffre d'épilepsie, qui malheureusement fait des crises régulièrement, ça ne sert à rien d'appeler l'ambulance. Mais par contre, noter, en tout cas regarder sa montre et dire « Ah oui, je regarde, j'observe la personne qui est en train de faire sa crise pour voir si effectivement il reprend conscience. » relativement rapidement. Et puis donc, quand la crise est terminée, informer la personne que tu viens de faire une crise, ne te tracasse pas, je suis là, comment te sens-tu, mais reste couché, parce que c'est comme ça fatigue, effectivement, de faire une crise. Mais l'enfant de 5 ans, il comprend ça? Votre fils? Mais mon fils, oui, bien sûr, il comprend. Quand il a des crises diurnes, c'est très particulier, parce que il joue, parfois il est avec les cousins, des amis, vite on vient me chercher, il y a Jean qui fait une crise, on le voit sauter dans le trampoline, puis il fait sa crise, effectivement, qui dure 30 secondes, et puis il repart tout à fait normalement. Ouais. Quelqu'un qui le voit 30 secondes après sa crise ne peut pas imaginer qu'il vient de faire une crise. Voilà. Merci Caroline pour vos témoignages et merci Bénédicte pour vos précisions par rapport à tout ça. 070 23 33 23, SMS 30 63, les témoignages, les questions par rapport à l'épilepsie. Vous êtes nombreux à témoigner aujourd'hui. Frérot de la Vega, avec ton visage, c'est tout de suite sur Vivre. Quand en ville le grain se lève, vent de nerfs agité, que se ternissent les rêves dans ma réalité. Je veux des balades sur la grève, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve. Dans ma réalité, que neige, une planche de salut, loin du métro, de son rafut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son rafut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3. Un bonheur simple mais à mon goût. C'est un peu vrai mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume, et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain.

Michel Dossmann. Personne souffrant d'épilepsie, on en parle depuis 13 heures. J'avais lu une enquête il y a quelques années menée auprès d'étudiants qui montre en effet que si 41% des sondés estiment que les personnes souffrant d'épilepsie sont rejetées par la société, on passe à 87% si la formulation est faite avec le terme épileptique. Je pense que c'était... Absolument. Oui ? Oui, absolument. C'est pour ça, encore une fois, que vous employez ce terme-là. L'épilepsie, ce ne sont pas que des crises. Et là, je m'adresse à vous, à vous Bénédicte, vous m'avez dit hors antenne, c'est important de le signaler. Mais oui, je pense qu'il faut absolument le signaler, parce que justement, on dit que les portes se ferment quand on dit qu'on souffre d'épilepsie. Mmh. Or, ça ne devrait pas, quand on annonce son épilepsie, ça ne devrait pas évincer tout le reste de la personne que l'on représente, son caractère, ses aptitudes, ses connaissances. Voilà, c'est pour ça qu'on cherche aujourd'hui à mieux la faire connaître, parce que c'est une maladie qui est invisible, et c'est bien là toute la difficulté. Voilà, je ne sais pas si le docteur Haussmann peut compléter. Les crises dans l'épilepsie, dans un bon nombre de cas, ça n'est que le dessus de l'iceberg. Ah, oui. Il y a toutes les complications psychiques. On sait que le taux de dépression, d'anxiété est plus important que dans les autres maladies chroniques. Mm-hmm. Il y a toutes les complications plus sociales aussi. L'accès à l'emploi peut être plus difficile, parfois à tort, parce qu'il y a plein de préjugés. C'est la problématique de la conduite automobile, du permis de conduire aussi qui va intervenir. Mm-hmm. La problématique de la scolarité, qui peut être liée aux crises ou qui peut être liée aux maladies qui causent les crises, ou aux médicaments. Les médicaments, ce n'est pas de l'eau. Ils ont plein d'effets secondaires, plus ou moins important d'une personne à l'autre. Oui, c'est marrant. Beaucoup de personnes en parlent, en effet, des effets secondaires ces médicaments-là. Voilà. Dépakine, Keppra sont ceux qui sont le plus cités, qu'on connaît le plus. Parce que ce sont parmi les médicaments qui sont les plus utilisés actuellement, mais ils en ont tous, des effets secondaires. Okay. Chez certains, pas peu, chez d'autres, très beaucoup plus, encore une fois. Dominique, bienvenue, à 48 ans. Dominique, vous avez été déclaré épileptique depuis quelques mois seulement. Oui, bonjour. Depuis le 29 avril, en fait. J'ai fait un gros malaise de 40 minutes. Et donc, voilà, on m'a déclaré épileptique. On vous a fait des examens? Qu'est-ce qui s'en est suivi? J'ai fait ce gros malaise chez ma maman en revenant des courses. En fait, j'avais été travailler le matin et j'étais super bien et tout. Juste un peu fatiguée depuis quelques jours, mais bon, voilà, c'était rien de plus. Et donc, j'ai commencé à délirer chez ma maman, en fait. Et puis, je me suis réveillée sur la civière. Mmh. Et donc là, d'abord, c'était... Enfin, moi, je m'en rappelle plus parce que moi, j'étais 40 minutes inconsciente, mais inconsciente... vraiment, vraiment, vraiment. Et bon, apparemment, la première chose qu'ils ont dit à ma maman, c'est épilepsie avec suspicion d'AVC. Oh, oui. Donc après, l'AVC, c'est parti, puisque bon, mon IRM était tout à fait normal. Il y a juste que les encéphalogrammes ne sont pas bons. À chaque fois, il y a toujours des anomalies du côté gauche, en fait. Mmh. Et donc, je suis sous Keppra depuis 4 mois maintenant. Et voilà, c'est dur à vivre quand même, parce que bon, tout s'arrête, je suis en maladie, je travaille avec les enfants, je suis accueillante extrascolaire, est-ce que je pourrais encore retravailler avec les enfants? J'en sais rien, moi je suis un peu perturbée de ce côté-là, je veux dire. J'ai un bon moral, mais c'est vrai que dans ma tête, il se passe beaucoup de choses et je pense à beaucoup de choses, en fait, très souvent, quoi. Quand quelqu'un vient vous voir comme ça, Michel Dossmann, encore une fois, sans donner de diagnostic par rapport à Dominique, mais quels sont les mots rassurants que vous avez ou est-ce que vous allez droit au but aussi par rapport à ça? Je pense qu'il faut aller droit au but, dans le sens que, bon, c'est pas un diagnostic anodin, c'est pas un diagnostic qu'on peut poser à la va-vite. Il faut prendre le temps, être sûr qu'on ne passe pas à côté d'autre chose, que c'est pas autre chose aussi, qu'on ne se trompe pas de diagnostic. Il faut annoncer au patient toutes les conséquences que ça peut avoir. Elles seront très transitoires. Dans le meilleur des cas, c'est transitoire. Et bon, pendant quelques mois, il va y avoir pour être sûr que le travail puisse reprendre, des choses autres comme ça. Mais c'est pas possible chez tout le monde. Tout le monde ne va pas bien tolérer les médicaments. Ça va parfois prendre du temps. Donc, il faut pouvoir accompagner. Il y a aussi une réaction d'anxiété par rapport à ça. On a fait des crises. Donc, est-ce que je risque d'en refaire? Dans quelles circonstances? Donc, plus le temps va passer, plus les gens vont être un peu sans crise, plus les gens vont être rassurés. Mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Merci Dominique, déclaré donc épileptique depuis le mois d'avril, 48 ans. Il y avait un petit message pour vous Bénédicte, je m'en voudrais de ne pas vous le lire. Petit message pour Bénédicte, on pense bien à toi et à ta famille dans ces épreuves pas faciles. C'est signé vos collègues du Sacré-Cœur. C'est gentil. Parce que c'est enseignante. Oui, oui, oui, je crois qu'ils m'écoutent tous. Voilà. Même les enfants. Ouais, ben bonjour à toute l'école. Alors. Même les enfants. Oui, même ma classe, j'espère, en tout cas. La radio était branchée, donc, oui. On n'a pas cours, alors, cet après-midi. Si, mais ah, oui, avec un petit fond musical. Un petit fond. Bon, ben, on va essayer de mettre encore un petit peu de musique pour eux, alors. Alors, les enfants du Sacré-Cœur et tout le monde. Saul, qui s'annonce dans la programmation, si vous souhaitez intervenir, 070 23 33 23, SMS 30 63. La prise de conscience de la maladie, les contraintes de la maladie, on y reviendra. Si vous souhaitez intervenir, comment gérez-vous le quotidien? Comment, si vous êtes entourage de personnes comme ça, comment faites-vous? Une voix dans l'intercom qui me dit simplement te laisser filer. Comme le début d'un mauvais sitcom où le générique à la gomme me dit simplement qu'il faut laisser filer. Comment il faut vivre aujourd'hui? Comment se compare toute une vie? Comment il faut vivre aujourd'hui avec ces cons qui me poursuivent? J'entendais et qu'il faudrait que je sois. Je leur réponds simplement comme sur ma word. Si on devait s'habiller sans arrêt s'imiter, à qui devrais-je ressembler comme sur ma word? Des pommes, qu'il nous manquait des chromosomes, qu'on devait forcément sans arrêt se copier. Comme si vouloir sortir de la norme, ça paraissait tellement énorme. Sortir du nid pour pouvoir se laisser voler. Autour de moi j'entendais, et qu'il faudrait que je sois. Je leur réponds simplement comme sur ma word. Si on devait s'habiller sans arrêt s'imiter, à qui devrais-je ressembler comme sur ma word? Le tout dernier titre de Soul, ça s'intitule « Comme Sabine nous écrit ». Elle dit « Tout d'abord, Sylvie, je vous envoie tous mes encouragements. J'envoie tous mes encouragements aux parents qui sont concernés par la chose. Car être épileptique lorsqu'on est enfant, ça doit être épuisant. Quant à moi, je suis devenue épileptique il y a presque 10 ans. J'ai eu 2 crises nocturnes. Je pense que vraiment que ça a été dû au stress intense. La dépakine, dit-elle, je ne l'ai pas supportée. Il a fallu du temps pour trouver un autre traitement. Maintenant, je suis sous Keppra. Voilà ce qu'elle nous dit. Autre message de Dimitri. Mon fils de 11 ans, Sylvie, fait des malaises vagales. On dit vagal? Vago. Vago, on dit vago, voilà, je ne sais pas si... Malaise vago. Similaire à l'épilepsie, en pensez-vous? Ça peut être... Dans certains cas, c'est parfois... difficile de faire la part des choses quand les gens racontent. Parfois, certains malaises vagaux sont accompagnés de ce qu'on appelle la syncope vagale à ce moment-là. Oui. Et dans la perte de conscience, dans certains cas, il peut y avoir des mouvements convulsifs qui n'ont rien à voir avec l'épilepsie. D'accord. Mais le témoin qui voit ça, ben, va parfois, ça peut parfois être induit en erreur. Donc, d'accord, il faut faire attention. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire vraiment la distinction aussi entre les crises d'épilepsie et les convulsions. Françoise nous dit, votre émission est très intéressante, peut-on perdre légèrement ses urines pendant une crise? Dans certains, dans certains cas, on peut perdre les urines, c'est une contraction de la vessie. Ben là, la vessie, c'est un muscle comme les autres, et donc il suffit que dans la crise, la vessie soit pleine d'abord, et qu'il y ait une contraction importante de la vessie, on perd les urines. Ça pourrait. J'aime bien aussi ce message-ci. J'ai 57 ans, Sylvie, je suis traitée depuis l'âge de 25 ans pour une épilepsie apparue sans raison et brusquement. On me dit maintenant, après tout ce temps, que ce serait sans doute psychologique, puisqu'on ne trouve rien, que je me provoquerais ça moi-même, et que je vois donc un psy, c'est dur de vivre avec ça. C'est un peu cash, dit comme ça, mais... C'est difficile de pouvoir... d'avoir un avis sur... dans certains quand cas... Quand vous dites le stress, ben voilà, c'est stress, peut-être la gestion d'un stress en ce qui la concerne. Mais vous avez parlé de dépression tout à l'heure, ça peut survenir aussi... La dépression comme une conséquence, soit de l'épilepsie, soit des médicaments antiépileptiques. Et puis Eddie de Sclessin nous dit « Je suis stabilisée depuis octobre 88, mais cela m'a posé des problèmes pour l'achat de ma maison, trouver un emploi. Je fais partie de la Ligue belge épileptique et je participe à leur réunion pour vulgariser. » Donc Eddie, on en parlera dans quelques instants. Bénédicte, vous voulez dire quelque chose ? Non, on connaît Eddie. Bonjour, Eddie. Vous le connaissez, d'accord. Ben voilà, je trouve que son message est intéressant. On aura Déborah, que vous connaissez aussi, je pense. Elle fait partie aussi de la Ligue et de votre groupe de travail. Déborah donc a envie de témoigner par rapport à ce sujet-là. Ce sera dans quelques instants. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends, quoi ? En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah ! L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends encore. Sois pas si impatient, t'as dit. Médiacité présente. Le mois du sourire, ensemble pour Cap 48. Tous les mercredis et samedis, activités ludiques de sensibilisation. Je vous donne rendez-vous avec d'autres personnalités RTBF pour battre le record du monde et former tous ensemble le plus grand sourire humain. Je compte sur vous le samedi 8 octobre dès 13h30 sur la Piazza de Médiacité. Info sur cap48.be. Le plus impatient... Attends, quoi ? Bon. Le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Huawei P9 Lite pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Samedi 8 octobre, Abraham de Bettencourt, conférencier, présente Vivez vos rêves. Comment intégrer les principes de réussite ? Quels sont les outils pour atteindre vos objectifs ? Comment vivre vos rêves et libérer votre potentiel pour enfin oser ? Rendez-vous ce samedi 8 octobre à 20h au Centre culturel Ducle. Info sur ccu.be. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Votre piscine placée en 4 jours avec 21% de TVA offerte, optez pour Leisure Pool. Avec Leisure Pool, nagez dans la qualité et le style. Chez Servimat, dans le zoning d'Épinay ou sur leisure-pools.be. Servimat, un service qui est pat. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. L'épilepsie, la Ligue francophone belge contre l'épilepsie, vous en êtes le vice-président Michel Haussmann et vous, Bénédicte, vous êtes active au sein d'un groupe de travail avec plusieurs personnes. Adrien, qu'on a entendu tout à l'heure, Déborah, qui est avec nous maintenant. Déborah, bonjour. Bonjour. Jeune femme, vous êtes Déborah, on peut savoir à peu près votre âge ? Oui, bien sûr, 27 ans. 27 ans. Vous souffrez d'épilepsie, de crise d'épilepsie ? Oui, depuis les petits réfractaires. D'accord. Depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans, ok. Oui. Comment vivez-vous ça, quotidien ? Au début, franchement, c'était dur. Et puis, à la longue, j'ai appris à en rigoler avec ma famille. Enfin, rigoler après avoir senti les crises et tout ça, après la complication. Mais sinon, ça va. Est-ce que vous vous auto-limitez ? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas, que vous vous refusez de faire ? Oui, bien beaucoup de choses, comme toute personne, je pense, parce qu'il y a une double responsabilité dans cette maladie. C'est déjà moi, et puis il y a aussi les autres. Il faut penser qu'on est peut-être un danger pour les autres, même si... ça passe parfois facilement. Un danger pour les autres, vous voulez dire quoi ? Il y a certaines activités où, par exemple, conduire, c'est un danger. Ou pour faire, par exemple, aller à la piscine est un danger. Si on ne sait pas comment réagir face à la crise, ça peut être compliqué par rapport aux autres. Donc voilà. Bénédicte. Oui, moi je rebondis là-dessus parce que je suis d'accord avec Déborah, on en a déjà longuement parlé, mais justement, on se bat justement pour démystifier cette maladie parce que je pense qu'il faut mettre les gens qui nous accompagnent, qui vivent avec nous, tout autour de nous, au courant justement des gestes à avoir, comment réagir face à une crise pour ne pas justement rester dans l'autolimitation. Bien sûr qu'il faut faire attention, on parle de conduire, on parle de la piscine, c'est effectivement très, très important de rester vigilant par rapport à ça. Mais moi, personnellement, je refuse de mettre mon petit garçon sous cloche, sous prétexte qu'il fait des crises d'épilepsie. Et je cherche, voilà, je suis ici à la radio pour dire c'est une maladie invisible, imprévisible, mais je veux que les gens qui rencontreront un jour Jean dans leur vie sachent que c'est un petit garçon comme tout le monde, mis à part ces petits épisodes d'épilepsie. Et je voudrais que ces gens sachent comment réagir. On en a parlé tout à l'heure, que faire en cas de crise. Bien souvent, pas grand-chose. Mais... L'école sait, puisque Jean va à l'école, l'école sait réagir. L'école a déjà dû réagir plusieurs fois. Oui, enfin, réagir, pas faire grand-chose, si ce n'est justement attendre que la crise passe et réconforter Jean après la crise. Voilà, il y a rien d'autre, il y a rien d'autre à donc faire. Donc on vous appelle mais bien pas sûr, automatiquement, quoi. Non, bien sûr, on me le dit évidemment après. Maintenant, je suis dans le bâtiment, je travaille dans cette école, c'est peut-être plus facile. Mais je dis, vous n'avez même pas besoin de venir me le dire. À partir du moment où la crise a été gérée, elle a duré 30 secondes, elle est gérée. Jean reprend ses activités tout à fait normalement. Voilà. Mais vous savez que la crise ne va durer que 30 secondes ou bien Ah non, parce que pour l'instant c'est comme c'est ça, ça, c'est comme ça. Mais bien sûr que moi j'ai connu des crises en rafale, hein, j'ai envie de dire, crise en une demi-heure, donc c'était coup sur coup, plus souvent la nuit que la journée. C'est sûr que dans ces cas-là, moi-même, je ne me sens pas tranquille. Je me dis dans quelle mesure est-ce que je dois appeler l'ambulance ou pas à un moment donné, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais voilà, il faut vraiment que les gens qui entourent ces personnes qui souffrent d'épilepsie soient au courant. Il ne faut pas avoir peur, il faut supprimer cette méfiance que l'on cultive autour de la maladie. Moi, je me bats pour ça. Toutes les personnes, Déborah, Adrien, qu'on a entendu, et toutes les personnes au sein de la Ligue, et peut-être même d'autres. Je les invite d'ailleurs, les autres, à venir au sein de la Ligue, participer à nos réunions. On cherche prendre des bénévoles. Ah ben c'est bien. Voilà, beau porte-parole, hein, Michel Haussmann. Absolument. Hein oui. Là, les mots convaincants pour ça. Et la Ligue francophone belge contre l'épilepsie, j'ai mis en ligne le site internet et encore une fois l'adresse à laquelle vous pouvez écrire. Merci à Déborah. Hein. Oui, merci Déborah. L'adresse à laquelle vous pouvez écrire pour être en contact avec Bénédicte pour peut-être figurer au sein de ce petit film qui sera tourné pour sensibiliser le grand public à l'épilepsie, maladie mal connue, très peu connue, en tout cas pour ceux et celles qui ne sont pas directement confrontés à cela, mais qui peuvent l'être un jour ou l'autre. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir après les Pretenders. Gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion. Restored emotion. I've been diving. Detailed leaning. No visa. Just seems so. My generation. Les Pretenders sur Vivacité, l'épilepsie. On en parle depuis 13h. Si vous prenez cette émission en cours, vous pourrez toujours la réécouter. Comment réagir face à une crise? Comment la gérer? On en a parlé. La pathologie proprement dite, la maladie psychosociale, l'épilepsie, ce ne sont pas que des crises. On a aussi fait la distinction entre la crise et tout ce qui était en dessous de cette pointe de l'iceberg. C'est ce que vous avez dit. La crise, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, mais il y a tout le reste. Il y a tout le reste. Voilà, il y a ces symptômes, cette épilepsie latente, peut-être qu'à un moment donné, parce que manque de stress, parce qu'à cause de beaucoup de stress, parce que manque de fatigue, de sommeil, la crise peut se produire. On a essayé de parler avec des parents aussi victimes de cela, parce que leur enfant souffre d'épilepsie. On reparlera dans quelques instants des traitements, peut-être avec Bernadette qui souhaite témoigner en tant que maman d'une fille de 25 ans, épileptique depuis qu'elle a 2 ans, elle a été opérée, ça ne va pas mieux, donc elle en attend d'autres choses. Et on aura l'occasion comme ça de parler d'autres choses autres que les traitements. 070 23 33 23 SMS 30 63. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, info et tickets sur europeanopen.be. La route pour la qualification mondiale 2018 continue. Les Diables Rouges face à la Bosnie-Herzégovine. Ce vendredi, en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? De la musique qui fait rêver? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Xina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur... Xina.be, c'est bien pensé. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je vous attendais. Voilà, entrez. Oh non, je n'ai pas le temps madame. Comment mais... Non, j'ai encore beaucoup de maisons à faire. Alors je vous propose le calendrier des pompiers. Vous n'avez pas visité la maison? Non madame. Ils sont bien hein. Un peu de sérieux. Pour vendre ou louer efficacement votre bien par vous-même ou via un professionnel, ImmoWeb est la solution. ImmoWeb, le site immobilier préféré des Belges. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Bénédicte Liégeois, au sein de la Ligue, il y a des groupes de parole où les personnes peuvent... Oui, mais je pense qu'il faut, parler de la Ligue contre l'épilepsie, oui. qui est là pour aider. Donc son rôle, c'est de promouvoir le bien-être des personnes qui sont atteintes d'épilepsie. Elle le fait, la Ligue, en faisant plein de choses, en informant, en diffusant l'information, en organisant et en coordonnant des services d'aide psychosociale, des activités de prévention, d'information, des conférences, dans tous les milieux, les écoles, elle organise des groupes de parole. Il y a aussi à la Ligue un centre de documentation qui est très intéressant. Donc je pense qu'il faut dire aux auditeurs qu'il ne faut pas hésiter à aller sur le site, à contacter, à téléphoner. Il y a des assistantes sociales. Il y a des médecins qui font partie important. De la Ligue, oui. des parents, enfin moi, des personnes souffrant d'épilepsie. Et moi, j'y ai trouvé une certaine force et un certain réconfort. Ça me booste et ça me fait du bien de voir tous ces gens. Michel Haussmann, j'aimerais revenir sur les traitements. Bernadette, donc, on ne sait plus la joindre. Sa fille de 25 ans est épileptique depuis qu'elle a 2 ans, opérée. Ça n'a pas été mieux. Elle est en attente de la pose d'un stimulateur du nerf vague. Oui. Alors, donc, j'ai dit tout à l'heure que pour à peu près la plupart, heureusement, la plupart des patients sont contrôlés par des antiépileptiques. Oui. Mais dans un certain nombre de cas, les médicaments, on a beau les associer ou autres, on n'arrive pas à avoir une amélioration significative. Et donc, il faut se poser la question de savoir si ces patients ne peuvent pas bénéficier d'une chirurgie d'épilepsie qui permet au mieux de guérir le patient, ou en tout cas parfois de réduire très significativement l'impact de l'épilepsie. Malheureusement, ça ne marche pas toujours. L'épilepsie est très variable, ça dépend de ce qu'on peut faire sur le plan chirurgical, et il faut être sûr aussi que la chirurgie ne va pas induire des séquelles. Mm-hmm. Alors, chez les patients, soit qui ne peuvent pas avoir une chirurgie d'épilepsie parce qu'il y a un risque de séquelles, ou bien s'il y a par exemple une chirurgie qui n'a pas fonctionné, il y a des techniques qui sont apparues, qui sont des techniques qu'on appelle de neurostimulation. Mmh. Alors la première, la plus ancienne, c'est le stimulateur du nerf vague. Donc le nerf vague, c'est un petit nerf qui passe dans le cou. On met une petite électrode qui est raccordée à une petite pile qui ressemble à un stimulateur cardiaque, à un pacemaker. Et donc ça permet d'améliorer le contrôle des crises d'épilepsie chez ces patients qui ont une épilepsie qui est réfractaire. C'est exceptionnel que les patients soient guéris. Mmh. Mais ça peut permettre de diminuer de façon importante la survenue des crises. Okay. Il y a une autre technique qui est plus récente, qui est remboursée en Belgique maintenant depuis environ un an et demi, qui est la stimulation cérébrale profonde, où là, on va placer des électrodes dans des structures bien précises au niveau du cerveau, ce qu'on appelle le noyau antérieur du thalamus, et c'est raccordé aussi à un espèce de petit pacemaker, une pile qui est mise sous la peau pour aller stimuler ces structures-là. Et donc, le but est aussi de diminuer la fréquence des crises. D'accord. Bernadette, on a réussi à vous joindre. On parlait de vous. On parlait de votre oui, fille, bonjour, Bernadette. Oui, voilà. Oui. En attente de la pose donc, d'un stimulateur du nerf vague, le docteur Rossmann vient de donner des explications. Vous êtes consciente de tout ça? Oui, oui, tout à fait, tout okay. à fait. Mais j'ai reçu justement la convocation aujourd'hui. Donc, ah, oui. Voilà, ça tombe bien. Et j'espère que ça va pouvoir un petit peu trouver une issue à cette longue impasse. Tout à fait, c'est ce que je vous souhaite. Ah oui, oui. 25 ans et depuis qu'elle a 2 ans. Hein. 2 ans, et elle a été opérée il y a 2 ans au CHU de Nancy. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ce sont des crises qu'elle fait encore actuellement sont... Oui, oui, elle fait énormément de crises. Elle fait 2 crises par semaine, mais des grosses crises, des crises généralisées. Et alors, elle a de nombreux malaises durant la journée, comme si elle avait pleuré, en fait. À 25 ans, je suppose que son vécu est en souffrance par rapport à ça. Comment est-ce qu'elle gère ça? Exactement, mais au niveau social, je veux dire qu'elle est très bien entourée. Oui, ouais, voilà, elle est bien entourée. Ça lui a posé quelques petits problèmes au niveau des études, parce qu'elle entreprend des études d'infirmière. Donc, ça pose des petits soucis, mais je crois que ça va aller. Elle a recommencé cette année, donc elle est en deuxième. Et on espère. Mmh. Vous avez le moral, et elle aussi. On a le moral, il n'y a pas le choix de toute façon. Merci Bernadette, avec sa fille, avec votre fille de 25 ans, on souhaite évidemment que ça va bien, bien, bien se passer. Bon, c'est une émission santé. Aujourd'hui, il y a aussi une petite séquence santé dans quelques instants, puisque c'est la nouveauté avec le docteur Van Snick. Si vous souhaitez intervenir, 30 63 pour vos messages. Les inratables de Lindbacker. On peut rater la connexion de sa nouvelle TV, mais pas les actions promo chez Lindbacker. Embellissez avantageusement votre maison avec le canapé d'angle Aberdeen à seulement 399 euros au lieu de 699. C'est chez Lindbacker. Moi, sur mon poney Nutella, j'écrirais « Bon appétit ». Je t'aime. Oh, ou juste « Love ». T'es chou. Mais quoi, c'est vrai. Bravo, ma puce. Pour ma petite fille. Bisous. Mouah. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. C'est 6, 7 et 8 octobre. Tu sais où je suis? Oui, au Westland Shopping. Oui! Et pourquoi? Pour la braderie d'automne, évidemment. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi? Non, mais j'ai Facebook. Et je peux même te préciser qu'il y a plein de bonnes affaires à faire pour renouveler, par exemple, ta garde-robe. Mmh, continue. Et pour les enfants? Atelier cire, grimeuse, jazz band, artiste de rue. Dis donc! Tu serais pas en train de me dire que tu m'invites les 6, 7 et 8 octobre au Westland Shopping? Ben mieux, je t'y emmène. Allez, viens. Info, westlandshopping.be. Ring West sortie 14. Parking facile. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. La petite séquence santé qui vient s'inclure dans l'émission santé qu'on fait aujourd'hui sur l'épilepsie. Bien sûr, on vous en parle depuis 13h. Docteur Géo, docteur Van Snick, bonjour. Bonjour. Bienvenue. On vous retrouve tous les jours dans Vitamine avec Adrien Deviveur. Vous êtes aussi chez nous tous les jours avant 15h pour nous parler aujourd'hui de l'alcool. L'alcool, tout le monde va dire, ah non, pas trop d'alcool. L'alcool est-il toujours mauvais pour la santé? Attention, vous êtes docteur, hein, attention à ce que vous allez dire. Oui, absolument. Alors, sur le fond, soyons clairs, l'alcool n'est pas une bonne chose. Non. Mais quand même, on se rend compte que l'alcool a un effet. Et c'est cet effet qu'on doit reconnaître. Alors, d'abord, ce qui est étonnant, c'est que ce sont les personnes qui ont eu un enseignement supérieur, donc des universitaires, qui sont le plus souvent les buveurs excessifs. Ah. Alors, c'est nouveau. Et en fait, c'est parce que la bouteille de vin est apparue sur les tables lors des repas, avec la croissance, je dirais, de la prospérité. Et donc, l'apéro, le coup de l'étrier avant d'aller dormir, c'est surtout chez les gens qui ont fait des études supérieures. D'accord. Alors que les gens qui ont fait peu d'études sont plutôt des amateurs de bière. Alors, bien sûr, l'effet n'est pas tout à fait le même. Et je dirais, quand on est raisonnable dans les deux cas, on ne s'écroule pas ivre-mort sur un banc, bien sûr. Mais c'est clair que ça ralentit nos réflexes, ça donne des maladies d'estomac. Enfin bon, c'est quand même pas une très bonne chose. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, et la SAM dans tout ça ? Parce que c'est bien de classer selon les différences peut-être d'études, mais la SAM dans tout ça par rapport à vous, l'homme ? Eh bien, on n'est pas tout à fait égalitaire. Ah. On n'est pas tout à fait égalitaire. D'abord, la femme est beaucoup plus agréable à regarder, mais c'est un avis personnel. ce qui est évident, c'est que quand on boit un verre de bière, on devient plus sociable. Et donc, la femme est plus touchée que l'homme par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la femme qui a bu un verre de bière est plus intéressée par les images sexuelles, je vais dire, qu'elle est plus relaxe, qu'elle sourit plus facilement et qu'elle parle beaucoup plus. Ce qui pourrait être un handicap, évidemment. Hein, là-dessus, on ne va pas rediscuter. Alors, la bière ou le vin lève les inhibitions. Oui. Et donc, le problème est d'arriver à tout juste la bonne dose pour être à la fois sympa, sociable, sans être bourré. Bon, très bien. Je sens que ce sujet vous branche. Je ne sais pas pourquoi, mais moi aussi. Hein, mais bon, on essaiera de se voir hors antenne. Oui, d'accord, avant une émission, vous allez voir, on va se faire quelques bières et vous allez être en pleine forme. Maintenant, vous savez que je ne bois pas de café. Ben voilà, la bière. Pourquoi pas, je vous dirai mes bières préférées. Tiens, un autre jour. Docteur Van Snick, merci. On vous retrouve tout à l'heure dans Vitamine. Et à lundi, bien sûr, dans cette émission La Vie du Bon Côté. À lundi, Sylvie. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far. We'll be right back. Germis sur Vivacité, dans cette émission consacrée à l'épilepsie. On voit pas mal de questions encore. Ah, Marie-France de Uccle, est-ce un mal héréditaire? Je ne vous ai pas posé la question, mais... Non, ce n'est pas une maladie héréditaire. Certaines maladies héréditaires peuvent donner de l'épilepsie. Il y a une prépondérance. On dit que le risque est d'augmenter d'à peu près 1,5 à 1,2 fois par rapport au risque normal de faire des crises, mais ce n'est pas la cause principale. D'accord. À quoi est due l'épilepsie? Est-ce qu'il y a un mal qui survient à tout âge? On en a déjà parlé tout à l'heure depuis le début de l'émission. Comment réagir? On l'a dit aussi face à une crise. Comment gérer la pathologie proprement dite? Prise de conscience de la maladie et ses contraintes? La difficulté à vivre cette maladie au quotidien, tant pour le concerné que pour l'entourage? Je viens encore de voir le message d'une auditrice. C'est Isabelle qui nous dit qu'elle a 31 ans, qu'elle fait plus ou moins 3 petites crises par jour. Elle est épileptique réfractaire, elle ne travaille pas, elle ne conduit pas. Elle dit « je n'aurai jamais d'enfant. À cause de mon traitement, je suis reconnue handicapée à 80%. Je ne me rendais pas compte, je ne me rendais pas compte que ça pouvait aller jusque-là, bien entendu, sans avoir d'écho par rapport à cela, docteur Rossmann. » C'est effectif, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la partie immergée de l'iceberg qui fait que les conséquences peuvent être très importantes, surtout quand l'épilepsie elle est réfractaire. Et quand une personne nous écrit ça, je suis épileptique depuis l'âge de 3 ans, nous dit cet homme, j'en ai 50 aujourd'hui, je vais plus que bien parce que je ne fais plus qu'une absence par jour. Imaginez, donc dit, je vais plus que bien moi je fais plus qu'une absence par jour. C'est fou d'entendre ça. Entendre ça malgré tout. Qu'il a pu prendre le recul par rapport aux choses. Bon, encourager les parents à Bénédicte Liégeois à témoigner, à être écouté en tout cas via les groupes de parole de la Ligue. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à exposer. Oui, moi j'espère que les gens auront été sensibilisés par cette émission. J'ai envie de promouvoir tout l'espoir qu'il y a derrière tout ça. J'ai envie que les gens retiennent que les personnes qui souffrent d'épilepsie sont des personnes à part entière. Il n'y a pas que la maladie. Et que certes, elles ont besoin certainement d'accompagnement, de soutien, mais elles sont capables de tellement de choses. Il ne faut pas que les crises ne doivent pas tout évincer. Voilà. On est des personnes à part entière. Je crois qu'il faut retenir ça. Ma femme est épileptique depuis l'âge de 12 ans. Je voulais encore des messages qui arrivent. Elle a 25 ans. Elle en a 25 ans. On a eu un enfant il y a 3 ans. Donc, vous voyez comme quoi, encore une fois, d'un cas à l'autre, la personne dit, mais moi, Sylvie, ma femme est épileptique depuis l'âge de 12 ans. Elle en a 25 ans. On a eu un enfant il y a 3 ans. Mon enfant risque-t-il, bien sûr, d'avoir des effets de ce médicament parce qu'elle est sous dépakine depuis quelques années. Bon, enfin, encore une fois, c'est un diagnostic médical. Je ne veux pas que vous en posiez. On a beaucoup parlé de la dépakine parce que c'est vrai que bon, en termes d'efficacité, c'est un médicament qui est efficace, mais c'est un médicament qui n'est pas dénué d'effets secondaires, et particulièrement chez les jeunes femmes. Donc actuellement, parce qu'il y a certains risques pendant la grossesse, il y a certains risques pour l'enfant. Essaye autant que possible de ne pas le prescrire. D'accord, de ne pas le prescrire. Merci à tous les deux de nous avoir parlé de cela. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient prendre la parole, mais on a répondu à un maximum de questions. En tout cas, on a essayé. La Ligue belge francophone, la Ligue francophone belge contre l'épilepsie. Le site internet est sur la page Facebook, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle vous pouvez contacter Bénédicte. Merci à tous les deux. Merci à vous. Dans quelques instants, l'émission Les Retours s'installe. Et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Un bon après-midi à tous, une ambiance bien automnale ce vendredi. Des éclaircies reviennent, cela dit, lentement. Elles seront un peu plus nombreuses en fin de journée, surtout en début de nuit prochaine. Le ciel aura tendance à s'ouvrir, le vent va faiblir aussi, ce qui va permettre d'ailleurs à des brumes, à des brouillards de se former, des nuages bas. Et également, nous reviendrons en cours de nuit, les minima 3 à 8 degrés. Quelques gouttes seront possibles sous la grisaille. Ensuite, demain matin, on va donc se réveiller sous cette grisaille qui, petit à petit, va tolérer de plus en plus d'éclaircies au fil des heures. L'après-midi, on va se retrouver avec une alternance entre nuages et éclaircies, quelques averses possibles au littoral ou encore sur les reliefs de l'Ardenne pour demain. Bienvenue au Godillot, la référence toute marque en chaussures pour toute la famille et le plus grand choix en pointure femme du 35 au 42. Route de Genneval 31 à Lannes. Vaste parking. Godillot, service et qualité en amour. Ouvert ce dimanche de 14h à 18h.